Je viens devant ton autel, les mains levées vers le ciel. Je n'ai rien d'autre à donner que ce cœur brisé. Ce qui n'est pas toi, et tu fais.